un creux, où le soleil lui-même est pâle et n'entre qu'avec précaution. C'était l'antre où vivait l'énorme bête, ayant le rocher pour chevet. Le bois avait, dans l'ombre et sur un marécage, plus de rameaux que n'a de barreaux une cage. La forêt ressemblait au hallier de Bretagne. Elle avait pour limite une rude montagne, un de ces durs sommets où l'horizon finit. Et la caverne était taillée en plein granit, avec un entourage orageux de grands chênes. Les antres, aux cités rendant haine pour haine, contiennent on ne sait quel sombre talion. Les chênes murmuraient « Respectez le lion !» Le héros pénétra dans ce palais sauvage. L'antre avait ce grand air de meurtre et de ravage qui sied à la maison des puissants, de l'effroi, de l'ombre, et l'on sentait qu'on était chez un roi. Des ossements, à terre, indiquaient que le maître ne se laissait manquer de rien. Une fenêtre, faite par quelques coups de tonnerre, au plafond l'éclairait. Une brume, où la lueur se fond, qui semble aurore à l'aigle et nuit à la chouette, c'est toute la clarté qu'un conquérant souhaite. Du reste, c'était haut et fier. On comprenait que l'être altier couchait sur un lit déjeuner et n'avait pas besoin de rideaux de guipure, et qu'il buvait du sang, mais aussi de l'eau pure, simplement, sans balai, sans coupe et sans anap. Le chevalier était armé de pied en cap. Il entra.